à votre rôle. On est de retour, il y a Dieu dedans. We get everything for la petite agatema, karadi yelema. Bote na yo agatema, karadi yelema. Mabuka agatema, karadi yelema. Abutu a jezeo, karadi yelema. Franck Kessé, mais dis donc. Yebele, yebele, yebele, yebele. On a bien aimé ça. Qui a vu mon palao? Qui a vu mes didons? Qui a vu mon palao? Qui a vu mes didons? Yebele, yebele, yebele, yebele. On a bien aimé ça. Qui a vu mon palao? Colons le bilan. Qui a vu mon palao? Qui a vu mes didons? Mais ça va bien, mais ça va bien, mais ça va bien. Joli, regardez-moi. Assois ma fille de Bordeaux. Mon tonton là, regardez-moi. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si tu veux construire une maison, faut payer ciment d'abord. Ciment. Augmente du peu. Angelo papa, tu dis quoi? Ciment. Malé Playboy, fais le travail. Ali le douanier. La petite agatema, caradi yelema. Petit yoyo agatema, caradi yelema. Mabuka agatema, caradi yelema. Nikes kwao, lolo bote agenzeo, caradi yelema. Zoro mag, mais dis donc. Yebele, yebele, yebele, yebele. On a bien aimé ça. Qui a vu mon palao? Qui a vu mes dis donc? D'où le moro là-bas? Qui a vu mon palao? Qui a vu mes dis donc? Mou, amoukou mao. Aya Araka mata. Amoukou mao. La petite agatema. Comment ça? Araka mata. Amoukou mao. Et malheureux sa djenzeo. Président Alex. Comment ça? Araka mata. Amoukou mao. Les petits l'ont déchiré. Comment ça? Dieu nous a donné des beaucoup de money. Les enfants l'ont percé. Comment ça? Dieu nous a donné des beaucoup de CFA. Comment ça? Le père du monde, l'ange blanc. Comment ça? Amiga le bosso. Yeah, baby, baby, baby, baby.